Tu m'as demandé, je t'ai dit Sergi 9-5 représentant. T'as voulu tester maintenant. Je fais partie des refrains sans dents. C'est sanglant, comme une balave sur gland. Sans gant, j'étrangle le mic et le baltrain comme dans ton grand écran. Avec mon crew, ici ça craque, transcris qui se crée. Quand les ronds ou les crocs, j'écris pour vaincre. J'porte pas de laisse, j'ai juste une petite chaîne en argent, wesh. Arrache tes subs ici, j'joue pas la ouf, t'es chez les barjots. Que ce soit dans l'escalier ou à Hebs, on squatte la cage. Pendant que certains savent que causer, d'autres font des casses. Si t'es un vrai bien, mais crois pas que j'vais sucer ta tête. Moi j'suis grave, mes couplets au chlasse sur ton torse. Tu chanvres une chambre, tu chambres une tasse qui écarte les jambes. C'est ce que j'chante, les MC déchantent méchants. Comme une descente sur les champs, mes jambes t'cassent les jambes pour des gens, c'est chiant. J'ai le rime à l'échante comme les euros dans les banques, monde de bâtard. Et à l'école, trop d'années, trop tard, elle me parle tard. Pendant que mes potes galèrent, on start ou starté. Et les frères servent du shit comme starter, mes faussaires. Quand l'arme du crime sort du holster, monte de bâtard. Et à l'école, trop d'années, trop tard, elle me parle tard. Pendant que mes potes galèrent, on start ou starté. Et les frères servent du shit comme starter, mes faussaires. Quand l'arme du crime sort du holster, on se tire dessus. La plupart du temps, à cause des sous, trop de fois déçus et sous, on sort les fusils d'en dessous. Bouge tes fesses, fils, les bastos fusent. Pendant que j'observe la gâchette de mon stylo s'user. T'as sucé pour te remplacer, y'a pas de sosie. Pendant que le meurtre danse sur un beat cadencé. Et dans mon aide, toute sa haine est condensée. Règle sa défaut, évite le chargeur, provoque ton décès. On t'a blessé pour sauver l'honneur de la thèse. Châtelet à la gare de Sergi Saint-Christ. Tu es venu baiser les fonds rêves qui dans le rap s'incruste. Et c'est injuste comme ce monde de pute mon pote. Mais si toi qui t'arrêtes ta meuf, toujours une capote. Sur ma tête une capuche. Quand le rap ouvre sa bouche, fais de mon spoof son bouche on capiche. Monde de bâtard. Et à l'école trop d'années trop tard, elle me parle tard. Pendant que mes potes galèrent on start ou starté. Et les frères servent du shit comme starter, mes faussaires. Quand l'arme du crime sort du holster, monde de bâtard. Et à l'école trop d'années trop tard, elle me parle tard. Pendant que mes potes galèrent on start ou starté. Et les frères servent du shit comme starter, mes faussaires. Quand l'arme du crime sort du holster, fracassé c'est. En plus fracassé c'est. Vous allez se passer c'est. Les ondes que je vais encrasser. J'ai raté le PEP, maintenant j'en fais les frais. Mais fais les refrains. N'est-ce pas des morts avant le refrain. Donc serrez-vous les coudes et les couilles hein. On est trop donc trop de cicatrices à recoudre. Moi je suis venu crier l'ampoule de la lampe halogène. Du rap français en vrai foutre la merde c'est dans mes gènes. Et dans ton jean quand tu sens que tu commences à me geler. Et que vite fait bien fait tu risques de plus être un jeune homme. Je suis bronzé cousin. En plus je viens du 95. C'est ce que dans ce merdier je vise pas la médaille de bronze. Je viens tout baiser. Donc préparez vos oreilles, l'arme du crime à son baiser. C'est comme si je t'arrachais les orteils. Je reste un mec de la capitale, même si je t'ai localisé. Toujours le flow alcoolisé.